Chapitre 4. Marcher. La vieille femme avait fait de prodigieux efforts pour donner à la comtesse un repas sortable. Elle y avait presque réussi. Laura se mit à table et fit signe au pasquier de s'asseoir devant elle. Lorsque la champenoise vit le nain, déjà familiarisé, se placer devant la comtesse, elle leva ses pincettes. « Laissez-le, » dit Laura. « Il s'est attaché à moi et cela me fait plaisir. » « Mais, madame, ça n'a jamais mangé à table, et ça va tout salir, n'importe !» fit Laura. Elle servit le monstre. Il grignota comme eût fait un singe, mais plus proprement qu'on ne l'aurait cru. Laura avait à traiter avec la paysanne d'une affaire. « Ma chère femme, vous êtes de ce pays. Cela se voit à l'accent. Mais votre village est-il dans les environs ?»« Non, madame, je suis de l'autre côté du département, d'un petit pays perdu et qui n'a pas 20 feux. » Un hameau. Aimeriez-vous retourner par là ? Madame, je n'ai pas de ressources, mais si le bon Dieu me faisait la grâce de m'envoyer des secours, je serais bien heureuse de quitter ici. Combien vaut cette maison ? Oh, rien de rien, madame. Qui est-ce qui achèterait une auberge maudite où personne ne veut coucher ? Moi, dit la comtesse. Sainte Vierge, et pour quoi faire ? Vous n'avez pas à vous occuper de mes attentions. Vendez-moi seulement la maison. La paysanne crut comprendre que la comtesse voulait lui faire du bien et voilait un don sous un achat. « Voyons, dit Laura, 5 000 francs seraient suffisamment payés. »« Oh, madame, c'est 10 fois trop. Je vous donne 5 000 francs. »« Et l'acte, madame, inutile. »« Il est entendu seulement que j'ai le droit d'agir absolument en propriétaire et que vous irez habiter le petit hameau où vous êtes née. »« Madame, vous ferez ce que vous voudrez, » dit la champenoise, à laquelle il revint comme une bouffée de jeunesse. « Je vous obéirai en tout. » Comme première condition, je pose un silence absolu sur moi. Je ne soufflerai, moi, de voix âme qui vive, madame la comtesse. Ensuite, j'emmène le basquir. La paysanne fut profondément étonnée. Ce nain me plaît, fit Laura, je lui ferai un sort heureux. Madame pourra le dresser à servir comme un domestique, car pour être bête, il ne l'est pas, dit la paysanne, ravie d'être débarrassée de cette charge. Imaginez-vous, madame, qu'il est très obéissant et que l'on en fait tout ce qu'on veut. Mais pourtant, il ne faut pas le battre. Je ne l'ai jamais frappé, et il m'aimait bien, je vous l'assure. Tandis qu'il détestait mon mari qui le rossait. Ah, hein, fit la comtesse, que ce détail parut intéresser vivement. Et elle regarda le nain qui avait de la sauce jusqu'aux oreilles et qui couvrait Laura d'un regard gros de reconnaissance. La jeune femme avait fini de déjeuner. Elle prit son café en fumant un cigare et continua à dicter ses conditions à la champenoise qui croyait rêver. « Je tiens essentiellement, » dit Laura, insistant sur ce point, « à ce que l'on ne sache jamais que je suis passé par ici. Vous devez être discrète. »« Depuis si longtemps que je suis seule, madame la comtesse, puis la paysanne, j'ai appris à me taire. Je vous fais serment sur la croix qu'après ce que vous avez fait pour moi, jamais je ne manquerai à des engagements pris avec vous. Et vous ferez bien, » dit d'un air sec la jeune femme, « j'aurai soin de vous, mais malheur à vous à la première indiscrétion. » Puis lui indiquant le registre, « Brûlez ceci, » dit-elle. Ce registre, pour la champenoise, était quelque chose de solennel. Elle le plaçait après l'évangile et le code. Le brigadier de gendarmerie l'avait consacré en y mettant son paraphe. « Madame, vous savez, » dit la champenoise, « que c'est timbré ces registres et que le commissaire de droit a signé dessus. « Au feu !» dit impérativement Laura. La vieille obéit en tremblant. « Vous avez vu, » reprit la comtesse, « le cheval qui était à l'écurie et la voiture aussi ?»« Oui, madame. »« Bête et voiture ont coûté 1 200 francs. Cela vaut bien 50 louis et je ne puis avoir été volé de 200 francs, car on prétend que j'ai profité d'une bonne occasion. Je vous donne bête et cabriolet. En les vendant, vous pourrez acheter 2 vaches et avec le prix de la maison, vous aurez de la terre pour les nourrir largement. Madame, c'est le paradis pour mes vieux jours que vous me donnez. » Puis songeant tout à coup. « Comment faire, madame, pour expliquer que je suis devenue à mon aise ? L'on n'a jamais compté avec vous. Vous n'avez pas d'explication à donner. Toutefois, vous pouvez dire qu'à la mort de votre mari, vous aviez de l'argent de côté, et que vous avez gagné quelque chose avec les rouliers, ce qui, avec de l'économie, a produit votre capital. En outre, vous n'avez pas une grande fortune, ma pauvre femme, et l'on vous croira sans peine, si vous savez geindre à propos et dire que la mort de votre homme vous a ruiné. En ce sens, que vous auriez gagné bien plus s'il avait vécu par bonheur. » La vieille admirait la facilité avec laquelle la comtesse trouvait des expédients. Les paysans, sans décision, sans imagination, sont toujours émerveillés devant un esprit débrouilleur et prompt. Laura reprit. « Vous partez avec moi. Tout de suite, madame, à l'instant. Et où m'emmenez-vous? À Troyes. De là, vous irez chez vous sur le champ sans parler âme qui vive. Et la maison, laissez-la telle qu'elle est. Si quelqu'un veut vous succéder, louez-la. Mon Dieu, madame, vous me comblez. » Laura joua l'humanité, la philanthropie, et dit avec onction « Ma bonne femme, j'ai quelques fortunes et je l'emploie au bien. Cette nuit, par miracle, m'a sauvé d'un grave danger. Vous pensiez vrai, il y a de la sorcellerie en cette affaire. Où j'ai échappé, un autre périrait. Il ne faut pas qu'un jour ou l'autre les crimes d'autrefois se renouvellent. Laissez-moi faire. » « Vous êtes une sainte femme, » fit la paysanne en joignant les mains. Puis l'intérêt reprit immédiatement le dessus et elle demanda. « Comment ferai-je pour mes hardes et pour mes meubles? Le cabriolet est grand. Les hardes, les matelas, les couvertures tiendront derrière. Quant aux meubles, avec 500 francs, vous en aurez de plus beaux et j'ajoute la somme à ce que j'ai promis. » À ces arguments, pas de réplique. La champenoise était en extase. « Allons, » fit la comtesse, « envoyez le nain atteler la voiture et chargez avec lui ce que vous avez de meilleur, mais pas de meubles. » Sans mot dire, la paysanne emmena le basquire, qui, avant d'obéir, regarda la comtesse comme pour la consulter. « Oh !» murmura Laura, « voilà qui on ne peut mieux. Mon nain sent déjà qu'il est devenu ma propriété. Décidément, j'ai gagné cette nuit un quine à la loterie du hasard. » La comtesse acheva tranquillement son cigare et caressa ses projets immenses et criminels, jusqu'à ce que la champenoise vint, tremblante d'émotion, lui dire « Madame, c'est prêt. »« Eh bien, » dit Laura, « partons. » Et poussant la vieille dehors, « Venez, » dit-elle. Déjà, le basquire était juché sur les matelas derrière la voiture. « Il a peur de ne pas partir, » dit la champenoise. « Il s'est pris d'une belle amitié pour vous. »« Tant mieux, » fit la comtesse. Elle fit monter la paysanne, prit les rênes et fouetta son cheval. La comtesse parvint à Troyes et conduisit la champenoise hors la ville, dans la direction que la vieille femme devait suivre pour gagner son village natal. « Faites au moins 6 lieues, » dit-elle, « couchez dans un petit village et silence. » La vieille baisa la main de Laura en souriant, ayant réalisé le rêve de toute sa vie, revoir son hameau et attendre la mort dans une petite maison à elle avec 2 vaches à l'écurie. Le crime prend parfois toutes les apparences de la providence. Tout à coup, la paysanne revint sur ses pas. « Ah, mon Dieu !» fit-elle. « Qu'est-ce donc ?» fit Laura. « Et le louis ? Quel louis ? Celui que le basquier a enterré. C'est trop fort !» s'écria la jeune femme. « Vous gagnez en un jour plus de 8 000 francs, l'aisance, le bonheur, et vous regrettez un louis qui n'est pas à vous. Madame, il sera perdu !» fit la paysanne avec un désespoir comique. Laura s'emporta. « Partez, et que jamais vous ne reparaissiez dans les environs de l'auberge pour chercher ce louis, sinon malheur à vous, et sur votre vie. Taisez-vous !» La comtesse s'en alla d'un pas rapide. La paysanne remonta tristement en voiture, et elle eut plus de regret du louis perdu que du bien gagné si vite. Oh, paysan ! Quant à la comtesse, avec le basquire, elle rentra dans Troyes et se dirigea vers l'hôtel des 3 couronnes.